Je me souviens même d'avoir passé une nuit délicieuse hors de la ville, dans un chemin qui côtoyait le Rhône ou la Saône, car je ne me rappelle pas lequel des deux. Des jardins élevés en terrasse bordaient le chemin du côté opposé. Il avait fait très chaud ce jour-là. La soirée était charmante. La rosée humectait l'herbe flétrie. Point de vent, une nuit tranquille. L'air était frais, sans être froid. Le soleil, après son coucher, avait laissé dans le ciel des vapeurs rouges dont la réflexion rendait l'eau couleur de rose. Les arbres des terrasses étaient chargés de rossignols qui se répondaient de l'un à l'autre. Je me promenais dans une sorte d'extase, livrant mes sens et mon cœur à la jouissance de tout cela et soupirant seulement un peu du regret d'en jouir seul. Absorbé dans ma douce rêverie, je prolongeais fort avant dans la nuit ma promenade sans m'apercevoir que j'étais là. Je m'en aperçus enfin. Je me couchais voluptueusement sur la tablette d'une espèce de niche ou de fausse porte enfoncée dans un mur de terrasse. Le ciel de mon lit était formé par les têtes des arbres. Un rossignol était précisément au-dessus de moi. Je m'endormis à son chant. Mon sommeil fut doux. Mon réveil le fut davantage. Il était grand jour. Mes yeux, en s'ouvrant, virent l'eau, la verdure, un paysage admirable. Je me levai, me secouai, la faim me prit. Je m'acheminai gaiement vers la ville, résolu de mettre un bon déjeuner, deux pièces de six blancs qui me restaient encore. J'étais de si bonne humeur que j'allais chantant tout le long du chemin. Et je me souviens même que je chantais une cantate de Battistin, intitulée « Les bains de Thomery », que je savais par cœur. Que béni soit le bon Battistin et sa bonne cantate, qui m'a valu un meilleur déjeuner que celui sur lequel je comptais, et un dîner bien meilleur encore, sur lequel je n'avais point compté du tout. Dans mon meilleur train d'aller et de chanter, j'entends quelqu'un derrière moi. Je me retourne, je vois un Antonin qui me suivait et qui paraissait m'écouter avec plaisir. Il m'accoste, me salue, me demande si je sais la musique. Je réponds « un peu », pour faire entendre « beaucoup ». Il continue à me questionner. Je lui conte une partie de mon histoire. Il me demande si je n'ai jamais copié de la musique. « Souvent », lui dis-je. Et cela était vrai. Ma meilleure manière de l'apprendre était d'en copier. « Eh bien, me dit-il, venez avec moi. Je pourrai vous occuper quelques jours, durant lesquels rien ne vous manquera, pourvu que vous consentiez à ne pas sortir de la chambre. » J'acquiesçai très volontiers et je le suivis.